Christophe. Puis il a un cœur de prier pour ce gars. Il dit, bon, mais j'ai prié, de toute façon, je ne le connais pas. Puis le gars, vous savez, moi, je n'aime pas quand on m'interpelle dans la rue. Même si c'est pour me donner de l'argent, j'ai pas le temps. Vous voyez ? Mais monsieur, 50 euros. Non, j'ai pas le temps. Je n'aime pas. Et le gars, c'était pareil. Il dit, non, mais j'ai pas le temps, je suis en retard. En plus, je dois monter un étage. Je dois monter 8 étages. Et en plus, comme je boite. Et le gars, il dit, mais vous boitez, vous avez mal. Oui, c'est ça, mais je veux juste, qu'est-ce que vous avez? Il dit, mais j'ai un cancer des os. Et donc, du coup, ça attaque mon genou, tout ça, je boite. Et il dit, mais je veux juste prier pour vous, monsieur, pour votre cancer des genoux. Et la prière la plus nulle, dans le sens simple, il a posé ses mains sur l'épaule du gars. Oh, ben, Seigneur Jésus, tu vois, mon ami, ce monsieur, il a mal à son genou, et je prie pour que cette douleur s'en aille, au nom de Jésus, voilà, tu le fais maintenant, Seigneur. Parce que bon, dans la rue, le gars est pressé, puis le gars, il a les yeux ouverts, il est là, derrière le gars prier. Puis il dit, allez-y, checkez maintenant, regardez votre genou. Et le gars, il fait ça, puis il le regarde. Il dit, ah, mais j'ai plus mal. Et le gars, le qui guérit, il n'arrêtait pas de faire ça. Genre, j'ai plus mal. Oh, je ne sais pas le faire, c'est de la croix, mais bon, vous voyez ce que je voulais faire. Et bien, il était comme ça, oh ouais. Puis il marchait, il n'arrêtait pas. C'est Jésus, Marie, Joseph, quoi. Il avait plus mal. Et après, le gars dit, mais vous avez, je peux prier pour votre cancer des os. Il dit, ah, ouais. Puis après, le gars, il se met comme ça. Et puis il a les yeux fermés. Et le gars prie, il commence à lui parler de Jésus, puis il lui dit, écoutez, il faut que je m'en aille, mais voici ma carte. Pas le chrétien, le non-chrétien lui a donné sa carte, dit, vous contactez-moi, puis hop, et le contact a été fait. Et un simple chrétien qui prie comme ça, après une prédication comme Christophe fait. Et donc pour moi c'est important, c'est plus qu'une prédication comme je vous l'ai dit, on lance un mouvement. On veut être une église qui lève les yeux vers la moisson. Okay, donc c'est le début là. Et on va aller constamment. Pourquoi? Parce que je disais, avec Christophe, on a parlé, puis il y a un texte qui me préoccupe, qui me persécute en ce moment. C'est la Bible d'Actes des Apôtres, qui dit « Et Dieu ajoutait à l'Église ce que tu es sauvé. » Il y avait un mécanisme, c'était Dieu en plus qui était à l'origine, c'est pas les pasteurs ou les chrétiens, mais c'est Dieu qui ajoutait à l'Église ce que tu es sauvé. Pourquoi? Parce que l'Église faisait certaines choses que nous, visiblement, on ne fait pas, et que Christophe va... Une des raisons pour lesquelles il est là, où il va consacrer peut-être un tiers de son ministère, ou peut-être maximum 50%, parce qu'il a la bougeotte, c'est de nous enseigner ça. Parce que vous savez pourquoi? Un autre principe, c'est pour l'honorer que je dis ça, mais c'est parce que c'est ce que je vois de Dieu. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait pousser. C'est un travail d'équipe, il y a deux onctions qui permettent une croissance spirituelle, numérique, la croissance d'influence et la croissance par extension. C'est-à-dire, vous savez, la croissance, il y a quatre types, hein, quatre dimensions. Croissance spirituelle, croissance numérique, croissance par influence, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, et croissance par extension, vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, vous serez mes témoins à Béziers, vous serez mes témoins à Montpellier, Hérault, Languedoc-Roussillon, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ces quatre types de la croissance, il faut ces deux onctions. Et moi, bon, je suis un peu comme Paul, je sème. Je n'arrête pas de semer. Et une autre onction qui pour moi est essentielle pour provoquer la croissance, c'est l'onction d'Apollos qui arrose. Mais c'est Dieu, ce n'est pas Paul et Apollos, hein, ce n'est pas Christophe et Greg, c'est Dieu qui fait pousser. Mais il a besoin que ces deux onctions... ces deux approches totalement différentes, on pourrait croire même qu'elles sont contradictoires. Il se peut qu'ils disent des choses ce matin qui démontrent tout ce que moi j'ai dit depuis un an. Mais parce que c'est deux onctions différentes et qui se mélangent et qui font. Non, mais c'est l'onction de Dieu, il faut laisser l'onction couler. Et c'est la première fois. Il a déjà prêché ici, mais c'est la première fois qu'on lance ça. Donc on va voir, hein, il m'a dit je ne sais même pas ce que je vais dire, tout ça. Donc bon, ça m'encourage beaucoup, ça me stresse. Ça me... non, je blague. Mais recevez ça. Vous voyez, j'ai voulu ouvrir cette voie, je le laisse maintenant prêcher. Mais vous comprenez que ce n'est pas juste une prédication. On pose un fondement et donc on s'en va vers cette église qui veut être préoccupée par les perdus. Donc Christophe, last predication in French. Because I preach in English. He's preaching in Greece on Wednesday. On Wednesday, you are in Las Vegas and for 3 months you speak in English. Yeah. Totally in English, totally. Not in French. Okay? So welcome. Yeah, welcome, my friend. J'adore. Moi, ça me détend. Tu crois qu'il prend le micro là-bas? Ouais, parce qu'on l'enregistre en fait. Ouais, ça marche pas, ça? Je te le. Un, deux, un. C'est reparti. Il est allumé? Si. Regarde, si tu fais ça là, si tu pousses un peu vers le haut. Et c'est parti. Yeah. Waouh. Ah, j'aime ça. Alors, ce matin, je vais pas prêcher. Ah. Je vais prémoigner. En fait, c'est une espèce de mix entre prêcher et témoigner. Hein, on a le droit d'inventer des mots. Ouais. Et voilà, donc ce matin, je vais prémoigner. Alors, entrez-le dans votre dictionnaire Larousse. Ça va être un nouveau mot. On va lancer des mots comme ça. Prémoignage. Le prémoignage. Et c'est tellement important parce que je veux croire que, en fait, chacun d'entre vous, vous êtes des prédicateurs. Et on est tous appelés à prêcher. Parce que prêcher, c'est quoi? C'est juste délivrer le message que Dieu nous donne à soit une église, soit à l'extérieur. Et moi, mon regard, bien sûr, ce matin, je suis avec vous, mais mon regard, il est toujours tourné dehors. Yes. Parce que c'est aussi ce que Dieu a mis en moi. C'est mon cœur d'évangéliste. Et vous savez, on a essayé par le passé à pasteuriser les ministères. Il n'y avait qu'un ministère, c'était le ministère pasteur. Moi, on a voulu me pasteuriser, j'ai dit non, oubliez ça, si vous m'enfermez dans une église, vous allez me tuer. Et c'est pour ça que j'ai résisté, toujours, jusqu'à ce que je puisse prêcher, non pas seulement dans une église, parce que si vous enfermez un évangéliste dans une église, au bout d'un moment, il va être irrité, et vous allez l'être aussi. Parce que... c'est, il n'est pas fait pour être à l'intérieur, il est fait pour tourner, pour circuler, pour aller. Et ça, c'est vraiment le cœur de... c'est mon cœur et c'est aussi le cœur de Dieu qui m'a donné aussi des paroles. Mm-hmm. Puisque je ne l'ai pas fait par moi-même, mais c'est Dieu qui m'a vraiment un jour qui m'a parlé de la même manière que vous m'entendez. Et c'est pour ça que ce matin, je veux plus peut-être témoigner, prémoigner, hein, je l'aime bien ce mot, plus que prêcher réellement. Parce que je crois qu'il y a une puissance, et il y a quelque chose qui se produit quand on témoigne de l'amour de Dieu. Et ça, c'est à la portée de chacun. Ça, vous et moi, on peut le faire. Et on est appelé à le faire. Hein? Le commandement que Jésus a donné, c'est aller par toutes les nations. Et ça ne s'adresse pas juste à un ministère. Mais ça s'adresse à chacun d'entre nous. On est vraiment appelé à être des témoins, à être des prédicateurs. Où on se trouve, que ce soit au bureau, que ce soit dans notre entourage, que ce soit quand on va à la boulangerie, etc. Vous allez voir, je vais vous donner quelques témoignages aussi qui vont vous encourager. Puis je vous parlerai aussi de certaines choses que j'ai mis en pratique, et notamment dans le cadre de l'église qu'on avait implantée, et qui ont vraiment porté du fruit. Je vous parlerai de tout ça. Mais tout à l'heure, alors que j'étais assis, j'ai eu deux versets qui sont venus sur mon cœur, et je voudrais commencer avec ça. Et c'est le psaume 22. Au verset 22 où il dit « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et ce matin, c'est ce que je veux faire. Je veux vous encourager, je veux quelque part exciter votre foi, vous dynamiser pour que vous puissiez non pas simplement vous dire « Ah bah tiens, dimanche on va à l'église, mardi on va à la PS, c'est mardi, hein, c'est les mardis soirs. Ouais. » Mardi, on va à l'APS, et puis waouh, super, je me suis bien rempli, tout va bien. Mais je veux vous encourager vraiment à prendre en considération que vous êtes des témoins puissants entre les mains de Dieu. Et un autre verset qui est venu sur mon cœur, qui est le psaume d'Asaph, le psaume 77, au verset 11 et 12, où il est dit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel ». Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Et ça, on pourrait penser, bibliquement parlant, on se rappelle de ce que Dieu a fait. On le voit, on l'a lu, c'est un témoignage qui est puissant. On voit comment Dieu a libéré le peuple de l'esclavage. Il l'a fait sortir de la coupe de Pharaon, de la main violente de Pharaon, pour l'amener dans un pays, une terre promise. Et ça, c'est ce que nous étions. On était dans la captivité, on était loin de Dieu, et Dieu est venu nous chercher, il est venu nous récupérer dans notre misère pour nous amener à une vie nouvelle. Et il dit ensuite, je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ouais. Amen. Amen. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Et au verset 14, il est dit, tu es le Dieu qui fait des prodiges, tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Waouh. Dieu manifeste sa puissance. On le lit dans la parole, mais aujourd'hui encore, Dieu est un Dieu de puissance. Yes. Il n'a pas changé. La Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce qu'il a fait hier avec le peuple d'Israël, il le fait avec nous. Amen. Donc, on est appelé vraiment à vivre, à publier les hauts faits du Seigneur. On est appelé à publier ses actions glorieuses. On est appelé à partager les manifestations tangibles de sa présence, de ce que Dieu fait d'une manière concrète dans les vies. C'est ça l'important. Vous savez, on peut parler de Dieu, mais quand Dieu se manifeste, ça parle bien plus que ce qu'on est en train de dire. Amen. C'est ça qu'il nous faut, c'est vivre au quotidien réellement ce que Dieu manifeste. Et Jésus a dit... dans Jean, au chapitre 8, au verset 38, « Ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Et ce qu'on entend de la part de notre Père, c'est d'aller. Amen. Et nous, malheureusement, la culture de l'Église en France, et depuis de nombreuses années, c'est « Allez, venez à l'Église. Venez, rejoignez-nous. Adaptez-vous à notre programme. » Et ça, c'est une erreur. On est en train de faire une erreur. Parce que c'est pas comme ça qu'on va amener les gens à l'église. On va amener les gens à l'église en allant vers eux. C'est pas à eux de venir vers nous, c'est à nous à aller vers eux. Parce que eux sont perdus. Et nous on se dit, bah, on est bien, on est la lumière du monde, on brille entre nous. Mais vous savez, la lumière qui brille entre nous, elle a pas besoin de briller entre nous. La lumière, elle a besoin de briller non pas là où ça brille. La lumière a besoin de briller là où c'est ténébreux, là où il y a des ténèbres, là où c'est sombre, là où il y a de la misère, là où les âmes sont perdues, c'est là qu'il faut aller briller. Ouais. Et je vous encourage à être vraiment ces lumières. À venir à l'église, c'est important. Enfin, venir à l'église, on est l'église. On se rassemble, on est l'église. Mais être l'église dehors, c'est encore plus merveilleux. Parce que là, on répond concrètement à l'appel de Dieu concernant l'évangélisation. Vous savez, ce matin, je parlais d'une puissance qui est hors norme. C'est une puissance qui nous dépasse, c'est quelque chose qui est au-delà de nos conceptions, au-delà de nos pensées, au-delà. Et j'aime ce verset dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, je crois, où il dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous prions, il le fait, afin que son nom soit glorifié. » Et ce matin, je vais vous mettre au défi que dans la semaine qui vient, vous puissiez témoigner de l'amour de Dieu, témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Est-ce que Dieu a fait des choses dans votre vie ? Ben oui. Ouais. Est-ce que vous êtes capable de raconter ce que Dieu a fait dans votre vie ? Est-ce que vous vous souvenez de ce que Dieu a fait dans votre vie ? Alors parfois c'est hyper lointain et on se dit oh là là là là là, et on vient et on dit des choses où il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Mais parce que, en fait, on s'est juste reposé un petit peu sur nos lauriers, alors que Dieu, c'est un Dieu du quotidien. Il veut nous faire vivre des expériences au quotidien. Je pourrais en citer tout plein, mais je vais simplement commencer avec mon témoignage qui date de 1971. Waouh, il est vieux, hein ? Ouais, hein ? Je vous amène un vieux truc, là. Mais pourquoi aujourd'hui je suis en mesure de témoigner de ce que Dieu a fait pour moi ? Parce que normalement, je n'aurais pas dû vivre. Je suis né en 1971 à Sète, dans la ville de Sète, et alors que ma maman me met au monde, sur ma figure, j'ai une toute petite tache rouge, toute petite, minuscule, c'est un angiome comme beaucoup d'enfants peuvent avoir, sauf que le mien a un souci, c'est que non seulement il s'étale en surface, en superficie, comme ça il prend, il commence à prendre le visage, mais en plus il part en profondeur, et donc commence à atteindre le nerf et... pourrait atteindre le cerveau. Et le problème, c'est que cet angiome, c'est un angiome papillon, et il y a des cellules qui sont cancéreuses. Donc je viens au monde, je commence mal ma vie, mais je commence ma vie avec un cancer. Et donc pendant plusieurs années, ma mère m'a fait suivre, et j'ai été suivi donc pour traiter ça. On ne sait pas pourquoi, hein, vous savez, il y a des choses, on ne sait pas. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que si je suis là, c'est parce que Dieu m'a voulu sur la terre. Vous savez, je ne sais pas vous, mais on a toujours rêvé de... vous avez certainement regardé des personnages qui avaient des pouvoirs surnaturels, les Wonder Woman pour les femmes. Hein. Mais moi aussi, je regardais Wonder Woman, j'aimais bien Superman, il y avait Spider-Man, il y avait Steve Austin. Qui se rappelle de Steve Austin ? L'homme qui valait 3 milliards. Vous vous rappelez de ça ? Moi, j'étais fasciné, c'était fascinant pour moi. Alors aujourd'hui, c'est les Avengers, aujourd'hui, il y a des nouveaux héros. En fait, le monde a besoin de se créer des super-héros. Et on a besoin de s'identifier à ces super-héros. C'est un besoin qui est là. Pourquoi ? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, qui est l'être tout-puissant, qui est celui qui a la capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Alors on rêvait étant petit de waouh, c'est Superman. Mais aujourd'hui, on a bien plus que des Superman. Aujourd'hui, on a Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vient par son esprit habiter en nous et qui nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous donne aussi la capacité de ressusciter les morts, de guérir les malades, de chasser les démons. Mais quelle puissance merveilleuse, amen. Et ça, c'est Dieu qui nous l'offre. Alors, on n'a pas besoin de regretter, de dire, oh Superman, ah non, on n'a pas ça. Mais on a bien plus que ça. On a bien plus que des Superman dans notre vie. Et il y a vraiment une fascination pour la puissance hors norme, mais moi, celle qui me fascine, c'est celle de Jésus. Et on lit Paul qui parle aux Philippiens et qui dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Au-dessus de tout nom, au-dessus de Superman, au-dessus de tous ces noms-là même qu'on a pu se fabriquer, au-dessus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un des psaumes qui touche aussi, qui m'a toujours touché, c'est ce psaume où il dit « Il envoya sa parole et les guérit ». Si nous voulons manifester la puissance autour de nous, il faut que ça repose sur la parole. Sa parole est créatrice, sa parole libère, sa parole transforme, c'est sa parole, par la puissance qui agit en nous. Et la puissance qui agit en nous, c'est la puissance de sa parole. Vous savez, ce n'est pas un fluide, ce n'est pas quelque chose de bizarre, mais c'est sa parole qui est agissante en nous et qui se manifeste à travers nous. Quand je me suis converti, avant de me convertir, j'ai eu une vie, c'était vraiment rock'n'roll. Je rentrerai pas dans les détails parce que comme Paul dit, ce sont des fruits dont on rougit encore aujourd'hui, et peu importe, j'ai pas envie de glorifier l'ennemi, j'ai envie de glorifier Dieu et ce qu'il a fait dans ma vie. Et ça aussi, c'est un point important quand vous témoignez, j'en profite, je prémoigne, hein, en même temps je vous donne des conseils, mais lorsque vous témoignez, ne donnez pas de crédit à l'ennemi. C'est pas la peine de raconter toute votre vie ancienne avec moult détails, ça sert à rien et ça glorifie l'ennemi. Mais parlez de ce que Dieu... Donnez 10% à votre ancienne vie et 90% de ce que Dieu a fait. Comment il vous a changé, comment il vous a transformé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Moi, ma vie avant, c'était le hashish, c'était les sorties, c'était plein de choses comme ça. Et voilà, je m'arrête là. Mais je ne donnerai pas plus de détails, parce qu'après, c'est limite du voyeurisme. Ah ouais, t'as fait quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé, vraiment? Puis, vous savez, c'est l'humain, il aime bien savoir ce qu'il y a de mauvais. Mais en fait, un jour, j'étais tellement mal, dans mes pensées, dans mon cœur. Et je me rappelle, je me couchais, je m'endormais, et tellement que j'étais dans l'anxiété, je posais ma main sur mon cœur pour voir si mon cœur battait encore. Forcément, si j'étais en mesure de poser ma main sur mon cœur, c'est qu'il battait. Vous savez, mais quand on est dans la dépression, quand on n'est pas bien, et qu'en plus les drogues amplifient ces ressentis-là, on est encore plus mal. Et on se dit, on va prendre une drogue de plus, et puis hop, c'est un cercle et on est de plus en plus mal. Et un jour, alors que je suis au plus mal, je suis dans ma chambre et je crie à Dieu, je dis, mais et si tu existes, je crie même pas à Dieu, parce que je sais même pas qui c'est Dieu. Je crie à quelqu'un dans l'univers, et je dis, mais s'il y a quelqu'un qui m'entend, mais il faut qu'il me réponde. Et une des plus grandes angoisses dans ma vie, c'était la peur de la mort. J'avais une frousse de mourir, mais je me dis, mais si je meurs, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est-ce que je vais? Et alors que je fais cette prière à Dieu, le lendemain, je descends à la boîte aux lettres, j'ouvre la boîte aux lettres, et là, un petit prospectus. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le prospectus, c'est pas ça qui attire les gens à Dieu, mais avec moi, ça a marché. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire une doctrine et puis tout miser sur les prospectus. Mais ce prospectus disait la vie après la vie. Et voyez, Dieu nous parle d'une manière très précise. Parce que moi, c'est ça que j'avais besoin de lire et ensuite d'entendre. Et je me suis rendu avec ma mère. Elle m'a dit, oh là là, je ne sais pas où tu vas, je vais venir avec toi. Vous savez, la maman pied noir qui veut protéger son petit, on ne sait jamais s'il va dans une secte ou quoi. Et puis, on est arrivé effectivement dans un endroit, c'était hyper glauque. C'était une espèce de cave sous un sous un immeuble, il fallait descendre, ça faisait une espèce de cuvette, de trou comme ça, et puis on se demanda où on atterrissait, et puis pour voir le prédicateur, il fallait pencher la tête parce qu'il y avait des poteaux un peu partout, et je me rappelle que l'homme qui était en train de prêcher, tout ce qu'il disait me concernait. Il parlait de mon cœur, il parlait de mes peurs, il parlait de mes liens spirituels, il parlait de mes addictions, il parlait de tout. Je dis, mais comment il connaît ma vie, ce gars-là? Et j'étais impressionné. Et ils avaient passé des vidéos qui étaient justement la vie après la vie. Et c'est des témoignages de personnes qui étaient mortes et revenues à la vie. Et waouh, je dis waouh. Et certaines racontaient ce qu'elles avaient vu. Certaines avaient vu vraiment un lieu de tourment. Et d'autres avaient vu un lieu de félicité. C'était merveilleux et tout ça. Et moi, je disais, moi, c'est là que je veux aller. C'est pas dans le lieu de tourment. Moi, déjà, les tourments, je les vis ici sur la terre. J'ai pas envie de les vivre toute mon éternité. Et à la fin, le pasteur dit, voilà, ceux qui ont besoin de la prière, etc., approchez-vous, puis je vais prier pour vous. Cet homme s'approche de moi, et puis pose sa main sur ma tête. Je dis, pourquoi il fait ça? Vous savez, moi, je suis ignorant de toutes les choses. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Moi, ce n'était pas mon vocabulaire. Hein. Et il pose sa main sur ma tête, et puis... Il l'enlève et je repars à ma place. Et là, comprenez bien, moi, je suis dans un état d'anxiété. Je suis vraiment un anxieux. Et il pose sa main sur ma tête. Et quand je repars, il y a toujours sa main sur ma tête. Je dis, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, ce gars-là? Il m'a envoûté, c'est pas possible. Et je rentre à la maison, je me couche le soir et j'arrive pas à dormir. Et jusqu'à 3, 4 heures du matin, j'ai cette main sur ma tête qui me lâche pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Et je suis inquiet. Sauf qu'au petit matin, alors que j'ai dormi quelques heures, je me lève et j'ai plus aucun besoin, aucune envie de consommer de hashish. Et je prends tout ça et je jette ça à la poubelle et je suis instantanément délivré. Wow. Mais en contrepartie, ce pasteur qui m'a imposé les mains, je lui ai pris sa fille. Vous savez, si on n'a pas de... Parfois on dit, moi j'entends certaines personnes, ah, j'ai pas de témoignage, j'ai rien, moi, ou alors c'est, j'ai un petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage. Votre vie sauvée est un témoignage. Ce que Dieu a fait, racontez-le. C'est pas la peine d'amplifier, c'est pas la peine de chercher des détails puis d'essayer d'embellir ou de grossir. Non, racontez votre vie. Témoigner, c'est raconter votre vie, c'est raconter ce que Dieu a fait dans votre vie. Et j'aime ce témoignage, et là on va aller ensemble dans un texte qui est très cher à mon cœur, qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Si vous avez vos Bibles, on peut y aller ensemble et on va le lire ensemble. Actes 3. Actes 3, versets 1 à 11. Et j'aime ce texte parce que je me vois, moi, Pierre et Jean, si j'avais été là à l'époque, j'aurais dit « Attendez les gars, je viens avec vous, attendez-moi !» Et voilà, donc c'est Pierre et Jean qui montent au temple pour la prière à 3h, c'est la 9e heure dans certaines versions, à 3h de l'après-midi, on était juste en train d'y porter un infirme, c'était un homme paralysé depuis sa naissance, on l'installait tous les jours, vous imaginez, tous les jours cet homme-là à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la belle porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Vous voyez, parfois on a des concepts et souvent on oublie ces petits passages. Souvent on dit ben, « Allez, lève-toi et marche », puis on pense que le gars va se lever. Mais il y a une démarche de foi dans le cœur, non seulement du paralytique, mais il y a une démarche de foi aussi, une provocation de Pierre et Jean qui vont le saisir par la main, qui vont l'aider à se lever. Parce qu'on aurait pu dire « Allez Dieu, fais ton œuvre, hein, moi, au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Ah ben ouais, mais non, c'est « accompagne ». Va plus loin, tu as la foi, alors va, fais-le lever, puis tu vas voir ce qui va se passer dans sa vie. C'est aussi une manifestation de la foi de Pierre et Jean. Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds, ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. J'aime ça, la puissance du témoignage. Vous avez vu ? tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple, en voyant ce qui venait de lui arriver. Les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Waouh ! Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Waouh ! Ça ne s'est pas passé à l'église, hein ? Ça s'est passé dehors. Par contre, ça a ramené du monde à l'église. Et c'est ça qu'il faut qu'on vive. C'est la puissance de l'évangile à l'extérieur des murs. La puissance de l'évangile là où il y a des ténèbres, là où il y a la maladie, puisque Jésus nous a donné une autorité. Et encore une fois, Dieu ne donne pas l'autorité juste à des pasteurs, juste à des prédicateurs, juste à des évangélistes, mais Dieu donne l'autorité à chacun. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pas voici les miracles qui accompagneront les évangélistes ou les grands ministères. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous croyez à la puissance de Jésus? Est-ce que vous croyez à Jésus? Amen. Alors vivez les miraculeux de Dieu. Est-ce que vous voulez le vivre? Voilà. Vous avez l'explication. Une des choses que nous avons faites, et on s'est aperçu, alors vous savez ce que je disais à Greg la dernière fois, quand on a implanté l'église Acte 3 dans la ville de Troyes, on a essayé plein de formules. Et plein de formules n'ont pas fonctionné. Vous savez, on a dépensé de l'argent, on a investi dans des soirées avec des musiciens, on a fait des concerts privés, parce qu'on voulait vraiment gagner aussi les personnes. On était situé dans le bouchon troyen, et là, c'est là que se trouvent les commerçants, les notaires, les avocats, vraiment toute la haute société. On ne voulait pas simplement aller chercher les gens dans la rue, mais on voulait aussi toucher les gens qui avaient vraiment du pouvoir sur la ville aussi. Et donc, on avait fait un événement pour vous dire que... Arrêtons de vouloir faire des choses, dépenser de l'argent, faire des événements. Parce que moi, personnellement, après peut-être je me trompe, hein, mais personnellement je ne crois plus à ce type d'événement pour gagner les gens. Pour faire connaître l'église, oui, mais gagner les âmes, non. Et on avait fait venir un super musicien, c'est le petit-fils de Django Reinhardt, David Reinhardt, guitariste vraiment de talent. Et on avait fait un concert privé avec, on ne voulait aucun chrétien des autres églises. Moi, je me rappelle, je recevais des coups de fil. Ah ouais, mais non, mais... Je disais, non, cherchez pas, vous n'entrerez pas, c'est pas pour vous. C'était vraiment pour les personnes nouvelles. Et on a eu 100 personnes nouvelles. Waouh ! C'est le bonheur, 100 personnes nouvelles. Et donc, David a joué, a fait un concert. Et puis à la fin, on était comme ça sur l'estrade. Et puis, on avait deux petits canapés. Puis, je lui posais des questions sous forme de témoignage. Alors, David, raconte-nous ce que Dieu a fait dans ta vie, etc. Et puis, c'était vraiment intéressant. C'était très, très bien présenté. Puis, mais vous savez, le fruit qu'on a eu ? Zéro. Vous savez l'argent qu'on a dépensé ? Pas zéro. Des bouteilles de champagne. Parce qu'on avait vraiment fait les choses comme il faut. C'était les collègues de Solange, des profs étaient venus. On avait le bijoutier de Troyes, de la place de Troyes, qui est très très connu. On avait plein de monde, mais zéro âme pour Dieu. Ça, pour moi, là, c'était un échec, mais total. Et on a prié, puis on a réfléchi sur comment attirer les gens, comment aller les chercher, comment pas simplement les faire venir dans un lieu de culte, mais sous n'importe quelle forme que ce soit, avec un concert. Vous savez, on essaye toujours d'attirer avec des stratégies. Mais comment on peut aller chercher ces gens qui sont autour de nous? Comment on peut contaminer de la bonne manière les gens qui nous entourent? La première chose, c'est déjà de s'intéresser à eux. Et la déformation, malheureusement, des églises et de certains pasteurs, ça a été de... Ah, on s'intéresse à vous, mais juste pas pour qui vous êtes. On s'intéresse à vous pour juste que vous remplissiez les bancs de l'église, puis que vous nous rameniez un peu une dîme quand même. Et ça, je crois qu'il faut vraiment revenir à cette compassion, à cet amour pour les âmes, ce feu brûlant pour les âmes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné sa vie pour les perdus. Alors on a commencé à faire des apéros foi. Concept qui a fonctionné, parce qu'on a vu des âmes se tourner vers, vers Dieu. Alors c'est quoi? C'est simplement, vous savez, on a commencé à non pas se retrouver simplement entre chrétiens, mais on a poussé les personnes à dire, mais faites-vous des amis dehors. Faites-vous des amis parmi les païens. Et c'est ce que faisait Jésus. Jésus, il était avec les païens. Jésus n'était pas simplement toujours avec ses disciples. Non, non, non. Il était parmi les païens. Il s'est retrouvé dans des situations, des fois, où je me demande, même si nous, Greg, on se retrouvait dans des situations comme ça, je pense qu'on se ferait fusiller, quoi. Avec des prostituées à côté. Oh là, qu'est-ce que tu fais, là? Mais Jésus n'avait pas peur d'être au contact des ténèbres. Au contraire, c'est la lumière du monde. Et il brillait là où il fallait que ça brille. Et c'est ce qu'on a fait. On a développé en fait des amitiés extra-église, en dehors de l'église. Et c'est comme ça qu'on a commencé à toucher des gens. Et je me rappelle notamment, un jour, on avait un couple, et je partageais ça à vélo avant-hier avec Greg. Et on a un couple qui est venu et qui était un couple. Elle était fille de communiste, donc c'était très très rouge. Et Dieu, le mot Dieu, il ne fallait surtout pas le prononcer, c'était impensable. Et ce couple-là est venu donc à une soirée où on... Alors, apéro foi, c'est simple, hein, on boit un apéro et puis on ne parle pas forcément de Dieu comme ça, de but en blanc. Ce n'est pas une réunion d'évangélisation. Et ça, vraiment, je vous encourage à le faire dans vos maisons, à inviter des gens qui ne connaissent pas Jésus. Cassons le cycle et le rythme du entre-nous. Parce que ça, c'est un danger. Ça, c'est un poison pour l'Église. Parce qu'on finit par devenir un petit club où on est bien entre nous et puis on en oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est pas nos ventres, l'essentiel, c'est pas nous, l'essentiel, c'est ceux qui sont dehors. Ça, il faut, notre focus doit être là. Si vraiment on veut vivre quelque chose pour l'Église, si on veut voir l'Église transformation se multiplier, qu'elle se multiplie à Béziers, qu'elle se multiplie à Montpellier, qu'elle se multiplie à Sète, alors il faut qu'on s'occupe des perdus. Il faut qu'on aille là où ils sont. Et il n'y a rien de plus simple. Vous en avez tous, vous êtes tous des voisins. Aimez-les, parlez avec eux, intéressez-vous à leur vie. Ah, mais vraiment intéressez-vous. Non pas pour, juste par intérêt, juste pour les gagner, mais aimez-les simplement. Sans arrière-pensée, c'est donner sans attendre en retour, c'est ça. On ne s'attend pas absolument à gagner, mais ce qu'on veut, c'est les aimer. On veut déverser le cœur de Dieu sur leur vie. Et c'est exactement ce que nous apprend Denise. La parole prophétique, c'est on déverse le cœur de Dieu sur l'autre. On révèle ce qui est bon en l'autre. Et je me rappelle donc de cette soirée où... oh là là, pff, j'en ai tellement à dire que c'est une catastrophe. Je me rappelle de cette soirée où on est en train de boire un apéro, et puis on discute comme ça, et puis forcément, au bout d'un moment, ils ont reçu un petit signet où c'est marqué « apéro foi ». Vous voyez, il n'y a pas de verset biblique dessus, il n'y a pas des trucs compliqués, c'est « apéro foi », et puis chaque personne donne un petit signet à son ami, quelqu'un qui côtoie depuis même peut-être plusieurs années, et puis il l'invite à venir boire un apéro, puis là, il sait à un moment qu'il va se passer quelque chose, forcément. Apéro, ce n'est pas juste apéro, c'est apéro foi. Donc il y a quand même cette notion de foi. Donc au début on n'en parle pas, et puis arrive un moment on dit bon, vous voyez, on s'est réunis pour un apéro foi. Il y a quand même le mot foi dedans, et on aimerait savoir vous qu'est-ce que vous pensez de Dieu. Puis alors là on a tout entendu, hein. Mais il faut être prêt, hein. Il faut être prêt à recevoir des choses qui vont pas forcément nous faire plaisir, qui vont même blesser quelque part nos cœurs parce qu'on entend même parfois des saletés concernant Dieu. Mais c'est pas grave, c'est pas important ça. On continue à les aimer, et à un moment. Je me rappelle, à la fin, on dit, bon, simplement, on voudrait prier. Et puis il y avait une personne qui était venue, une personne qui était nouvelle, Christelle, elle s'appelait. Et puis, elle était assise, et puis, elle était venue avec une douleur à l'épaule. Mais ça, elle ne l'avait pas dit, on ne le savait pas. Et puis, à la fin, moi, je me lève, et puis, je vais prier pour elle. Et avec Solange, qu'on était deux, et puis, on prie pour elle, on pose nos mains sur elle. Et puis, d'une manière spontanée, à un moment, elle dit... Elle fait comme ça, on la voit bouger son bras comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai plus de, tu te rappelles? J'ai plus de douleur, je suis guéri. Wow! Et on est stupéfait, on est agréablement surpris, on aime ça. On sait que Dieu se manifeste dans ces moments-là. Et on a ce couple, hein, ce couple où elle est très très rouge, rouge, rouge, rouge. Et elle dit, allez, c'est bon. Bon allez, combien vous l'avez payé pour qu'elle dise ça? L'incrédule. Mais... Cette fille-là et ce couple-là s'est converti, on les a baptisés. Ça a été une joie, on a vu. Et celle qui a été guérie, on ne l'a pas baptisée. Vous voyez? C'est bizarre, hein? Ben, vous savez, Jésus a guéri des aveugles. Il y en a certains qui sont restés tranquilles, ils n'ont pas suivi Jésus, puis d'autres l'ont suivi. Donc, en fait, peu importe, ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est de manifester la puissance de Dieu là où on est. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, je partais dans le sud avec Solange, puis là, je vais vous donner quelques témoignages. J'ai encore combien de temps? Parce que je n'ai même pas regardé l'heure. C'est fini. Merci. Soyez bénis. Ah, 5 minutes. Oh là là là là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Une puissance, c'est une puissance de guérison physique. On voit dans les actes que Pierre et Jean ont manifesté cette puissance. Ça a été une puissance physique et bien sûr qui a été spirituelle puisqu'il est devenu un disciple. Hein. Tout de suite, il les a pas quittés. Il les suivait, il voulait être avec eux. Il voulait vivre ce qu'eux vivaient. Et c'est ça aussi le but, hein, de la guérison physique. C'est pour ça que aussi Dieu guérit par amour, il le fait. Il n'attend pas forcément qu'on s'attache à lui. Il le fait parce que c'est sa nature. Et je me rappelle, je partais dans le sud avec Solange, et puis à un moment, le Saint-Esprit me dit « Arrête-toi, fais demi-tour ». Et moi, je commençais à parler avec Dieu. Je dis « Non, je pars en week-end, on avait une semaine chargée. Je partais en week-end, et puis j'avais qu'une optique, c'est on partait de Saint-Étienne, on allait à Toulon, on trace la route, on va au soleil. Vous savez, quand vous partez de Saint-Étienne, où il fait gris, et vous dites « Là-bas, il y a le soleil, on y va ». Et là, le Seigneur me dit, mais non, tu fais demi-tour, tu vas voir ton grand-père. Mon grand-père était hospitalisé et il était pas loin de la mort puisqu'il avait en fait les poumons qui se remplissaient d'eau. Donc il était sur le point de mourir. Et du coup, je parlais avec Dieu, et, non, je n'ai pas envie. Puis il dit, ah, vas-y. Et donc je fais demi-tour et puis je me rends au chevet de mon grand-père. Je laisse les filles et puis Solange dans la voiture. Et je monte et j'arrive vers mon grand-père et je lui dis, bah, je parle très très brièvement et puis mon focus c'est « Papy, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir ?» Puis il me regarde comme ça, mon grand-père était vraiment loin des choses de Dieu. Il me dit comme ça, « Ah, c'est le bon Dieu, il fait ce qu'il veut. » Ok, ça commence bien. Et je lui dis, « Est-ce que tu me permets de prier pour toi ?» Il me dit, « Oh, ça ne peut pas me faire de mal. » Puis je m'approche simplement, puis je prie pour lui. Puis vous savez, je ne fais pas une prière incroyable avec tonitruante, avec oh, le tonnerre qui vient et tout ça. Mais simplement, je dis, Seigneur, pose ta main maintenant sur mon grand-père et qu'au nom de Jésus, il soit guéri. Puis je retire ma main, tout ça, puis je commence. Et puis je l'embrasse, j'embrasse mon grand-père. Puis je dis, bon, papy, je pars. Maintenant, je retourne à la voiture. Pour moi, j'ai fait ma bonne action. Je suis venu prier pour mon grand-père. Puis à côté, il y a un papy qui est là. Il dit, vous pouvez prier pour moi aussi? Et du coup, je me mets à prier aussi pour cet homme. Alors, je n'ai pas eu de nouvelles, mais deux jours après, je reçois des nouvelles et ma mère me dit, écoute, ton grand-père a été entièrement guéri. Plus d'eau dans les poumons, il est guéri, il sort. Waouh ! Quelle puissance extraordinaire ! Tout simplement parce qu'on obéit. Et l'obéissance, c'est une clé qui nous permet de vivre le miracle. Pour toute chose dans nos vies, toutes les choses que nous faisons dans nos vies, une des clés qui ouvre le fleuve et la bénédiction de Dieu, c'est l'obéissance. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Vous pouvez faire des tas de sacrifices pour Dieu. Vous pouvez donner votre vie pour Dieu, mais si vous n'êtes pas obéissant, ça, c'est même la désobéissance, nous dit la parole, c'est semblable, Solange, tu peux me rappeler, parce que il y a un verset qui dit que la désobéissance est comme la divination. Et comme la divination. Oh, c'est fort, hein? Donc ça veut dire que la désobéissance ouvre une porte aussi aux puissances spirituelles mauvaises. Donc obéissons et nous allons voir la gloire de Dieu. Si j'obéis, si je me mets à son service, si j'écoute sa voix, si j'entends sa voix et si je mets en pratique ce que Dieu est en train de me dire, je vais vivre des choses. Un tout petit témoignage encore très récent, puisque là je vous ai parlé de deux témoignages, mais la semaine passée je devais amener ma voiture au contrôle technique et puis manque de peau, et ben contre-visite. Parce que pauvre vieille voiture, elle avait un problème. Le pneu avait un trou comme ça dans le pneu. J'avais même pas vu d'ailleurs. C'était même dangereux. Et donc il a fallu que je fasse changer les deux pneus arrière. Et donc j'ai ramené la voiture au garage pour faire changer les pneus. Puis là j'arrive et puis je vois un homme qui comme ça là, il est derrière le comptoir. Oh, je dis. Et vous savez, moi je peux pas m'empêcher. Hein. Je dis, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Vous avez l'air de souffrir. Elle me dit, ouais, j'ai une sciatique. Oh, je dis, mince, Je dis, ah ouais, je connais ça. Je dis, c'est douloureux, hein, sciatique. Je dis, vous voulez que je prie pour vous? Je dis, je suis pasteur. Alors là, j'emploie le mot pasteur, vous savez, parce que si vous dites évangéliste, vous êtes mort. Déjà, ils ne savent même pas ce que c'est. Là, ils vous prennent pour des extraterrestres. Mais je dis, je suis pasteur. Alors après, peu importe, j'aurais pu dire, vous savez, je suis croyant. Tout simplement. Je ne sais même plus si j'ai dit pasteur, je suis croyant, peu importe. Et je dis, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Puis non. Je le sens un peu réfractaire. Et puis je lui donne un témoignage. Vous savez, témoignage similaire. Je pars en Corse il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans ou l'année passée? Il y a 2 ans. Et alors qu'on monte sur le bateau pour partir, waouh, super, temps de vacances, on va aller se reposer. Et je me mets sur le... Vous savez, il y a des transats au soleil. Et là, je me mets sur le transat. Et au moment où je me relève, je dis, bah super, on va bien commencer les vacances. J'étais plié en deux, je ne pouvais plus bouger, mais une souffrance. Tellement que l'adrénaline a monté, je transpirais, c'était mais abominable. Et j'ai fait tout le voyage comme ça jusqu'en Corse, et jusqu'à notre location, plié, mais vraiment plié en deux. Et puis un soir, alors que je suis dans le lit, alors juste, j'étais sur la plage d'abord, parce que je suis quand même allé sur la plage avec mon dos courbé. Hein, et y avait un médecin juste sur la plage, un médecin à la retraite. Et puis il me voit me relever, mais je souffrais mais terriblement. Et il vient vers moi et il m'a accompagné jusqu'à l'appartement. Il me dit, je vais vous accompagner, tout ça. Et puis vraiment gentil. Et puis je me couche. Et puis dans la nuit, je souffre tellement. Solange est sur le point de dire, écoute, je vais appeler le SAMU. Il faut qu'il te fasse des piqûres pour te soulager, quoi. Mais j'étais vraiment très très mal. Et puis là, je suis sur le lit et je dis à Solange, non, attends. Et puis là, je dis, Seigneur, écoute, tu m'as donné de voir des nombreuses guérisons. Tu m'as donné de voir ta puissance chez les gens. Seigneur, fais-le pour moi. Et puis je pose simplement ma main comme ça. Et instantanément, je peux vous assurer, instantanément, je suis guéri. Wow. Et puis là, boum. Puis vous dites, ça c'est presque bizarre. Parce que quand vous le voyez chez les gens, vous savez, on a souvent plus la foi pour les autres que pour soi-même. Je dis, mais waouh. Mais j'étais tout bien. Et le lendemain, je pars à la plage, mais j'étais en super forme. Et le médecin, il me regardait, il me dit, mais c'est quoi ce phénomène-là? Je faisais des pirouettes dans l'eau, voilà, je suis guéri, donc il n'y a plus de problème, je veux pas faire le... Non, ça va bien, je suis très bien. Et le médecin, il était là, et puis il me regardait. Il a dû se dire, mais attends, hier, il souffrait comme pas possible, et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous croyez quoi? Que j'allais laisser passer l'occasion. Je suis allé vers ce couple et puis j'ai pu leur témoigner. J'ai dû passer 1 heure avec eux sur la plage à leur parler de l'amour de Dieu. Ils étaient touchés, ils ont été touchés dans leur cœur. J'ai semé quelque chose. Vous voyez, des fois, Dieu utilise des choses où c'est pas forcément agréable hein, pour nous, mais Dieu se glorifie. Et j'ai raconté ce témoignage à cet homme, il dit « waouh, waouh ». Et du coup, il était derrière son guichet, là, chez Citroën, là, à Metz. Et puis, il s'appelle Christophe. Je lui dis, ben allez, Christophe, je priais pour vous. Et puis, j'ai posé ma main sur lui, puis j'ai prié. Je dis, Seigneur, bénis-le. Au nom de Jésus, tu le guéris maintenant. Seigneur, que cette sciatique disparaisse au nom de Jésus. Puis après, je suis parti, j'ai récupéré ma voiture, mais je veux passer dans... je ne peux pas passer dans quelques jours. Je passerai à mon retour, et j'irai le voir, et puis prendre des nouvelles. Mais voyez, en fait, c'est... souvent, on voit, et puis je vais arrêter là, mais souvent, on voit que ce qui produisait le miracle chez les gens, c'était la compassion que manifestait Jésus ou les disciples. La compassion provoque le miracle. On n'est pas des mercenaires. On n'est pas des... on va les prier. Non. On est là parce qu'on aime les gens, notre désir, c'est de voir l'œuvre de Dieu. On désire voir l'impact du Saint-Esprit dans les vies, on désire voir ce qui se produit. Parce que déjà, ça nous édifie, ça nous fait du bien, c'est encourageant. Vous savez, quand une âme se convertit déjà, il y a de la joie dans le ciel, mais il y a de la joie dans notre cœur. Hein? Mais quand on voit des malades être guéris, on se réjouit. On se réjouit parce que le nom de Jésus est glorifié. Et vraiment, je vous encourage dans cette semaine à témoigner, à ouvrir votre bouche, à ne pas rester entre vous. C'est bien de se réunir entre croyants, c'est bien de prier ensemble et c'est important et il faut le faire. Il faut le faire. Les disciples, quand Jésus leur a donné un ordre, attendez à Jérusalem, restez à Jérusalem, demeurez à Jérusalem. Ils ont pas attendu passivement. Non, ils priaient, c'était en prière, ils ont attendu, ils ont reçu l'Esprit. Et c'est cet Esprit-là qui les a poussés dehors. Ils sont pas restés au Cénacle, hein ? Ça les a poussés dehors. Et le mouvement de réveil a commencé ici. Et je crois que tant qu'on restera à l'intérieur, on pourra toujours crier pour le réveil. Il n'y aura aucun réveil qui se produira. Excusez-moi, peut-être c'est peut-être pas votre doctrine, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'ai comprise et celle que Dieu a placée dans mon cœur. C'est que notre cœur, oui, il est tourné vers l'intérieur, mais il doit être tourné vers l'extérieur. Si on veut vivre quelque chose à transformation, il faut qu'on commence à parler de Jésus là où on est. Là où on est. Parlons de Jésus, semons. Il y en a un qui sème, l'autre qui arrose. Il y a quand même de la semence si on ne sème pas. Moi, je veux semer dans le cœur des gens. Parce que c'est un trésor et je ne peux pas garder ce trésor. Et souvent, on a gardé ce petit trésor jalousement et pour nous, puis on est bien entre nous. Mais soyons bien avec les autres. Soyons bien avec ceux qui sont dehors et vous allez voir. Et on verra ensemble. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je veux croire que ça, c'est une puissance. Si on s'occupe des gens qui sont dehors, si on s'occupe... Vous savez, je finis. Une des choses qui a fait grandir l'église, par exemple, Nouvelle Vie, au Canada, ce qui a fait grandir cette église, c'est un jour, Claude Oud est allé voir David Wilkerson et lui a dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon église grandisse ? Non pas simplement pour sa gloriole. Ce qu'on veut, ce n'est pas simplement que l'Église grandisse pour qu'elle grandisse. Ce qu'on veut, c'est que l'Église grandisse pour que le ciel soit rempli d'âmes sauvées. C'est ça le but. Hein. Et il lui a dit, occupe-toi des pauvres. Et je crois que ce n'est pas simplement les pauvres, ceux qui sont dans la... Non, mais c'est ceux qui sont dans la misère spirituelle et on est entouré de pauvres spirituellement dehors. Ils sont tous pauvres. Ils sont sans berger, ils sont perdus. Et la Bible nous dit que la création soupire avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En fait, ils sont là, même les arbres soupirent, la nature elle est malade, parce qu'on ne s'en occupe pas. La création soupire, c'est pas juste les hommes, les femmes, c'est la création tout entière, c'est global. Et je crois que les croyants vraiment doivent se réveiller, Et puis aller dehors et s'occuper des gens qui sont dehors. Et puis on va voir, ça va pousser naturellement. Vous savez, on n'a pas plus d'efforts que ça à faire. Juste parler de Jésus. Juste dire, voilà, Jésus a changé ma vie. Jésus m'a transformé. Avant, j'étais comme ça, aujourd'hui, je suis comme ça. Avant, j'étais alcoolique, aujourd'hui, je suis libéré de l'alcool. Avant, j'étais dépressif. Dieu m'a donné. Et vous n'aurez même pas besoin de le dire parce que la joie sera sur votre visage. Et elle est sur votre visage si vous avez été libéré. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on prie maintenant et qu'on puisse peut-être faire une introspection. Peut-être rentrer en nous-mêmes. Vous savez, quelque part, on est parfois comme des fils prodigues. On s'est éloigné des choses de Dieu. On s'est éloigné du mandat que Dieu nous a donné. Il y a un mandat que Dieu a donné à son Église. C'est celui d'aller. C'est celui d'aller chercher les brebis qui sont perdues, d'aller les récupérer. Et je crois que comme le fils prodigue, on peut, et moi je le fais pour ma part, je le fais dans ma vie personnelle, dans ma vie de prière personnelle. Je rentre en moi-même et puis je dis, comme David le disait, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde mon cœur. Regarde s'il est sur une bonne voie. Est-ce que je dois continuer sur cette voie? Comment je conduis ma vie? Et Jésus, la Bible nous dit que c'est une lumière sur notre sentier. Et je crois que ce matin, on peut faire une introspection. On peut chacun rentrer en nous-mêmes et demander à Dieu intérieurement, mais Seigneur, montre-moi. Seigneur, remets-moi, replace-moi sur la voie du témoignage. Montre-moi, Seigneur, parce que le témoignage, c'est une puissance. C'est une puissance qui provoque chez ceux qui sont autour. Alors ça peut provoquer parfois des réactions violentes, méchantes, mais peu importe. On n'est pas là pour gérer les réactions des autres. Mais on est là simplement pour dire, témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies. Seigneur, aide-nous. Aide-moi. Seigneur, aide-moi à être ce disciple. Aide-moi simplement à ne pas être un chrétien du dimanche, mais aide-moi, Seigneur, à chaque jour. Seigneur, donne-moi simplement une âme cette semaine. Et je vous invite, je vous encourage à peut-être faire le focus avec une âme à qui vous allez témoigner cette semaine. Demandez à Dieu, réclamez à Dieu simplement une âme. Invitez peut-être votre voisin, c'est peut-être cette manière-là que Dieu veut pour vous. C'est peut-être inviter un voisin à venir boire un apéritif, partager votre vie, racontez-lui votre vie, écoutez-le, entendez-le. Et puis donnez-lui des solutions, parce que vous avez la solution pour sa vie. Vous avez rencontré celui qui est la solution. Jésus est notre solution, c'est la solution pour le monde, c'est la lumière du monde. Et eux sont dans les ténèbres, ils souffrent. Vous savez, à côté de chez vous, peut-être il y a des alcooliques, à côté de chez vous, il y a des dépressifs, à côté de chez vous, il y a des gens qui sont sur le point de divorcer et qui attendent la révélation, qui attendent une main tendue. Alors, il y a des psychologues, mais on a, et c'est bon, les psychologues, et on n'est pas contre, mais il y a bien mieux que des psychologues. On a Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit avec nous. Et ça, c'est une puissance de guérison. C'est une puissance de restauration. C'est une puissance de réconciliation. Et on est appelé à être quelque part ces médiateurs qui allons apporter, qui allons tendre une main. Vous savez, la définition même de l'intercession, et c'est très puissant, hein, quand on va chercher les origines de l'intercession. L'intercession, c'est quoi? C'est une main posée, par exemple, sur ton voisin, et ton autre main posée sur l'épaule de Dieu. Et soyons des véritables intercesseurs. Soyons des véritables intercesseurs. Seigneur, aide-nous. Vraiment, on prie, et je prie, Seigneur, ce matin, pour que tu puisses bénir chaque personne, chaque ami ici, Seigneur, ce matin, que tu puisses l'encourager, que tu puisses vraiment, Seigneur, je prie pour que la parole du témoignage soit libéré maintenant sur leur cœur, sur leur vie. Que, Seigneur, leur témoignage porte du fruit. Qu'il y ait vraiment des choses magnifiques qui se produisent cette semaine même. Et, Seigneur, qu'il y ait des guérisons, il y ait le salut, il y ait la joie qui soit retrouvée, il y ait des choses nouvelles. Tu es le Dieu qui est... Tu n'es pas un Dieu inactif, tu es un Dieu qui est toujours en mouvement. Seigneur, tu ne t'arrêtes jamais d'être en mouvement. Et je te prie de prendre place, Seigneur, dans chacune des vies, d'une manière, Seigneur, mouvementée. Qu'il y ait un mouvement, Seigneur, dans chaque cœur. Qu'il y ait, Seigneur, un ardent désir de voir, Seigneur, les hommes et les femmes qui sont autour. Je te prie de donner, Seigneur, à chaque croyant, tes yeux. Et qu'ils voient, Seigneur, autour d'eux la déchéance de l'humanité, la déchéance de leurs voisins, la misère spirituelle, et que vraiment, poussés, Seigneur, par la compassion, par l'amour de Dieu, ils puissent leur apporter la solution Jésus-Christ. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour que tu renouvelles, Seigneur, vraiment, les forces spirituelles de chacun, pour que ceux, Seigneur, qui sont comme vidés spirituellement, pour ceux qui se sentent à plat spirituellement, je prie, Seigneur, que vraiment tu les visites maintenant, mais qu'ils ne soient pas simplement visités, mais que, Seigneur, c'est en marchant, c'est en témoignant, c'est en œuvrant pour toi qu'ils vont être renouvelés, qu'ils vont être restaurés. Seigneur, c'est dans notre marche que tu nous restaures. Ce n'est pas quand nous restons sur notre canapé spirituel que nous sommes renouvelés, mais c'est quand nous marchons, c'est quand nous mettons la mécanique spirituelle en marche que toi tu agis, que toi tu te manifestes. Et je te prie, et je prie, Seigneur, pour une onction, Seigneur, de guérison, une onction de délivrance, Seigneur, sur chaque personne ici. Seigneur, que chaque personne, Seigneur, prenne, Seigneur, cette parole, reçoive cette parole, et qu'elle soit chacune, Seigneur, pour leur part, des médiateurs, médiatrices, Seigneur, de l'amour de Dieu autour d'eux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit agit. Oh, alléluia. Oh, béni soit ton nom, Père. Oh. Peut-être certains ont besoin ce matin de... Peut-être ça fait des mois, peut-être même des années que vous n'avez plus parlé de Jésus. Peut-être même dans votre foyer, peut-être Jésus n'est même plus au centre. Et vraiment, je voudrais vous encourager, vous inviter même. Je voudrais prier avec vous et avec Greg, avec Solange, avec Nico. On aimerait prier pour vous. Peut-être vous avez besoin d'un renouvellement spirituel. Peut-être vous avez besoin d'un nouveau feu, d'une nouvelle flamme pour témoigner. Peut-être quand vous êtes converti, vous étiez brûlant, bouillant pour lui. Et je voudrais pas, et c'est aussi notre but en tant que pasteur ici à Transformation, on veut aussi prendre soin de vous, on veut aussi prier pour vous, mais j'aimerais pas que Dieu dise de nous, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et on aimerait prier pour vous, si c'est le cas, si vous dites, mais moi j'ai perdu des forces, avant, quand je me suis converti, j'étais tout feu, tout flamme, et puis, je voyais des choses, puis aujourd'hui je ne vois plus rien, et puis je suis comme enterré. Mais je voudrais prier, on voudrait prier pour vous ce matin, et que vraiment il y ait quelque chose de nouveau qui se produise en vous, de nouvelles forces, nouvelles flammes, la puissance du témoignage vous saisisse au nom de Jésus. Alors, ceux qui ont besoin, peut-être des besoins aussi physiques, hein, on veut prier pour vous de manière globale. Si vous avez un besoin aussi physique, besoin d'une guérison physique, on veut prier aussi. On veut, comme le dit la parole, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On croit dans cette parole. C'est une parole qui est forte, c'est une parole qui est puissante. Et on veut le faire aussi pour vous. Alors approchez-vous, ceux qui ont un besoin, on veut prendre ce temps pour vous, avec vous.